Bonjour, direct 13 janvier. Il est un peu tard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc, je vais attendre un peu. Ah, il y a déjà quelqu'un. Moi, il y a David Lévesque qui m'a écrit Bonjour Stéphanie, Jean, qui m'a écrit hier pour me dire que le Doc Mayo était décédé, mais je l'avais vu hier matin. Bon, si vous voulez qu'on parle de ça, pourquoi pas? Hein? Bonjour, Audrey. J'ai dans le jeu, bonsoir. Donc, le Doc Mayo est décédé. Si on regarde la rétrospective des dernières années, on peut pas dire qu'il y a vraiment des. En tout cas, c'était tiède, là. Quelqu'un qui parlait beaucoup de pleutres puis de lâches, mais c'était tiède, ses affaires. Dans les dernières années, crainte de reperdre sa licence, crainte de procès encore, trouble avec le collège des médecins encore, mais pourtant, ça en valait la peine. Bon, en tout cas, moi je l'avais entendu dire, c'est des mesures idiotes, puis ils vont créer un soulèvement. C'est à peu près ça le plus gros. Puis bon, je pense qu'il était à jour dans ses affaires, fait que bon. Hein? Bonjour, Laurence, Martin, Denis, Valérie. Donc, bon, vous savez, le Doc Mayo, bon, qui est enclin beaucoup à traiter les gens de pleutres puis de lâches, moi, je peux pas dire que je suis impressionné dans les dernières années. Parce qu'il y a eu l'occasion, un test, hein? Il y a eu l'occasion de vraiment avoir un certain courage. Puis, c'était tiède, comme je vous dis. Mieux que d'autres, mieux que d'autres. De toute façon, bon, avec lui qui est décédé, Denise Bombardier, on est en train de changer d'époque. On est en train de changer d'époque, ça se sent. Puis c'est probablement pas le dernier, là. Puis, bon, on est dans une période de. C'est un peu comme le retournement des eaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. On a ça dans les phénomènes de certains lacs. Il y a le retournement des eaux. Un moment dans, c'est-à-dire que ben, il y a du vieux stock qui remonte, puis bon, c'est pas fini. Donc, un bonjour, Valérie, je vous l'avais dit, Denis, Virgile. Donc, bon, je voulais parler de quoi? C'est un gros morceau, là, le Doc Mayo. Aussi marquant que des gens comme Michel Chartrand, puis pourtant, il n'en parle pas tant que ça. Il n'est pas montré comme. Même, je dirais, même dans la mort, il y a un irrespect de la part des médias. On ne va pas nous dire il est décédé. Il est mort. Le décès était réservé aux grands personnages. Doc Mayo, lui, il est mort. Il est juste mort. Comme un cheval, comme un vieux cheval. Ça fait passer ce que vous voyez, ce qu'il y a au Moyen-Orient. Les victimes israéliennes vont dire ont été assassinées. Mais quand c'est les autres sont juste morts. Hein? Sont pas assassinés, ils sont morts. Comme si c'était l'air du temps, c'est la nature. Hein? Donc, bon. Mais c'est ça, le Doc Mayo, il est mort. Il est juste mort. Il n'a même pas l'honneur d'être décédé dans les médias. Bonjour, Monsieur Saint-André. Geneviève, le Doc Mayo n'était pas apprécié des médias. Oui et non. Oui et non. Dans le sens qu'il a fait vendre la copie dans le temps que ça se vendait, des copies. Il a fait, je veux dire, il l'aimait, oui et non. C'est un peu comme Michel Richard. C'est un personnage controversé, c'est tout ce qu'ils retiennent de lui. Mais lui, il n'a pas servi, comme je vous dis, il était tiède. Il n'a pas tout à fait servi comme Madame Bombardier. Elle a servi quand elle est décédée. Les journaux, là, c'était une grande dame qui mourait. Lui, maintenant, c'est oh, il l'a controversé, il est juste controversé. Pourtant, Denise Bombardier, quand elle est décédée, c'est une personne controversée, c'est une polémiste. Une pamphlétaire, dans le fond. Hein? Il se moquait de lui. Ouais. Ça dépend sur quoi. Pas certain qu'il va avoir droit à des funérailles nationales. Ben, moi, je suis certain que non. Voyons, là. Oh, pas du tout, même. Voyons, pourquoi il y aurait des funérailles nationales? Ça rejoint pas assez émotivement. Pourquoi ils ont parlé de faire des funérailles nationales à Carl Tremblay, la CAQ, ben, pour récupérer, pour. Ben, c'est ça, pour récupérer, pour instrumentaliser au niveau psycho-affectif un personnage auquel les gens étaient très attachés, puis qui faisait jusqu'à un certain point de l'unanimité. Là, on a affaire à un personnage qui fait pas l'unanimité. Pas du tout. Même pas la mienne. Je veux dire, lui, je l'ai écouté pendant 11 ans et demi à CKC. Après, je l'ai écouté ailleurs. Pas loin de 30 ans, là. Puis des fois, bah. Moi, je considère plus comme quoi qu'elle est dans le sens d'un agenda, un certain agenda que contre. Mais bon, bonjour Didier. C'était ironique. Ok, ouais. Ah oui, ouais, j'espère, parce que les funérailles nationales, le Doc Mayou, il y en a pas mal qui seraient choqués, là. C'est vraiment impossible. Mais bon, il ne faisait pas l'unanimité. Mais c'est de voir qu'on a affaire à un personnage controversé, c'est tout ce qu'ils retiennent de lui. Il était controversé. Quand Denise Bombardier, qui était bonne servante d'un agenda, mais vraiment, là, elle, c'était une grande dame. Elle était plus controversée. Ben, bonjour Bertone, bonjour Marie-Thérèse, bonjour l'oiseau moqueur. Nella Saloupo, bonjour. Donc, ben, c'est ça. Mais comme je vous dis, moi, dans les dernières années, je l'ai trouvé tiède. Très, très tiède. Il dénonçait, mais pas tant que ça. Il dénonçait, mais pas tant que ça. Pour appeler traiter les croyants de pleutres puis de lâches. Il est mort comment, dans le fond? Il est mort suicidé, au fond. Il est mort d'un suicide, dans le fond. Faut le faire, là. Moi, je le vois de même. Parce que, bon, du côté de mon père, c'était pas disponible. On n'a personne qui a pris ça, l'aide à mourir. Dans le sens que, c'est bon. Mais ça fit avec. Il est mort en accord avec ses convictions, dans le fond. Puis, il est mort en philosophe, comme on dit. C'est ça. Dans le fond, c'est pas incohérent, là. Mais les notions de lâche puis de pleutre, on n'a pas la même définition, lui et moi. Clairement pas. Parce que les dernières années qu'on a vécues, c'était le temps de perdre sa licence. Là, ça valait la peine. Non, non. Hein, chez nous, les news, c'était un nouveau jeune élu qui a pris la place d'Élisabeth Borne, moi et Attal. Ouais, ben c'est 4,30 sous pour un pièce, comme on dit ici. Hein? La Macronie qui commence à devenir plus homogène. Vous auriez préféré quoi? Bon, ouais, hein? Elle ou lui, la même affaire, la même chose. Hein? Sauf qu'il ne vapotera pas dans l'hémicycle, c'est tout. Ouais. Donc, je remplace Noé ce soir. Ah, ok. Luxe. Ok. La lumière. C'est quoi? C'est-tu le 8 des 10? L'infinité des jumelles. Le fameux logo de la Tristar. Non? Bon. En fait, ça, c'est quoi? C'est Pégase. C'est Pégase, la jumelle. Bon. C'est pas supposé être un mâle, Pégase. Comment il s'appelait le. Le système du Mossad là, pour espionner tout le monde. Le Pegasus. Hein? Bon. Donc, le Doc Mayou. Moi, je l'aimais bien sur certaines affaires. Bon, il y en a d'autres que je l'haïssais autant. Je l'haïssais, le Doc Mayou. Pas de la haine, genre, pour en devenir malade, là. Mais ça a été un ennemi. C'était un ennemi de certaines choses que les Canadiens français ont perdu. dans le sens, il a participé à un processus pareil. Je veux dire, je ne suis pas en désaccord sur tout, là. Au contraire. Mais je ne suis pas en accord sur tout. Au contraire. Ben, c'est un peu comme l'émission. Une émission du monde, il avait appelé parler de la vie après la mort. Il n'était pas là, lui. Mais tout de suite après, il était revenu et il disait « Oh, gang de peuple de pleutre, puis de lâche, puis blablabla. » J'écrivais avec quelqu'un dernièrement, je disais, imagine-lui, là, quand il arrive, là, puis qu'il se rend compte que c'est pas comme il pensait ou c'est pas comme il pensait pas, finalement, il pensait qu'il n'y avait rien. Ils sont 3 jours dans le vague, ils ont 3 jours pour se placer, d'habitude, là. Ceux qui ont travaillé dans ces affaires-là, là. Quelqu'un de même là, qui est bien sceptique, bien athée de certaines affaires, qui était jusqu'à un certain point rigide, quelqu'un de psychorigide, il crève, là. Il y a 3 jours, ça prend un bout à se placer. Parce que, ben oui, y a-tu de quoi de plus dégueulasse? C'est-à-dire que tu vis dans un monde où tu es enragé tout le temps parce que t'as un gouvernement, il est malhonnête, tu te fais voler, tu vis dans un monde où il faut que tu te surveilles tout le temps. C'est ça, il y a un gouvernement, il y a des clics, il y a des. Toutes sortes d'affaires. Puis là, tu penses, m'a crevé, m'a-t-il avoir la paix? Fait que là, tu crèves. Là, tu te ramasses dans un monde. Il y a un gouvernement, il y a des clics, il y a des pourris, il y a des conflits. Il y a des. Ça continue. Hein? Pauvre moi. Imaginez le choc. C'est pas un choc comme nous autres, on l'entend, mais c'est un choc pareil. Hein? Et qu'est-ce qui va changer au Québec? Je sais pas. Plus ça change, plus c'est pareil. Le changement, moi, que je vois, c'est l'amplification du déjà-là, de ce qu'on a déjà. En voyez-vous, vous, des changements? Prenez. Moi, j'en reviens pas. Prenez. Pauline Marois. Pauline Marois a encore une grande influence. C'est encore un personnage important au Québec. Et voilà. Dans les pires, là. Dans les pires qu'on a eus. Puis pourtant, c'est encore c'est devenu ce qu'ils appellent les belles-mères du PQ, là. Comme était Bernard Lantrain à un moment donné. Bon, ben c'est ça. Plus ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il change au Québec avec une vision de même, avec un peuple d'homme? Hein? Elle passe encore dans des programmes, là. Elle va compter ses histoires et ses affaires. Elle est avec nous faire des recettes de muffins. Donc, ça a l'air que le monde, qu'est-ce qui change? Je le dis, le monde, il change pas, donc ça peut pas changer. À part une amplification de ce qu'on a déjà. Hein? Donc, c'est ça. Par rapport à. Dernièrement, c'est sûr, je me suis réintéressé. Ce qu'on a eu au Québec par rapport à la collusion puis la corruption dans la construction, puis une qui est intéressante par rapport à ça, c'est bien Pauline Marois. C'était plutôt l'union sacrée. Ça ne doit pas de quoi on parle, là. Oui, les extraterrestres sont débarqués à Miami. Bon, c'est ça. Moi, j'ai cru voir ça passer. Là les, regardez, là, les. Comment ils s'appellent eux autres? C'est tout ça, les décrypteurs. Ils se font les choux gras avec ça, là. Alexis Delancerre. Prenez. Dernièrement, moi, j'ai vu des images qui viennent du Moyen-Orient. On voit clairement les soldats de Tzal tirer à un sniper et tirer une femme. Une femme qui porte un petit bébé, puis elle a un drapeau blanc, puis elle se fait tirer en pleine rue. Il y en a un autre qui se fait rouler dessus par des genres d'assaut. Il tire dessus, puis après, il pose dessus comme un déchet. Il est encore vivant, là. Ça, Alexis Delancerre, il décrypte pas ça. Il dit bien plus intéressant, les extraterrestres à Miami. Il décrypte ce qui fait leur affaire. Parce que ces images-là sont réelles, là. Même ça, elle les a reconnues. Yeah. Oh, le logo et pas dire ça. OK, l'union sacrée, moi. Bonjour, Samab. Donc, Bon, les extraterrestres à Miami, ça, c'est ça fait l'affaire de. Ça fait l'affaire de du monde comme Alexis le Lanceur, les décrypteurs, ces affaires-là, c'est sûr. C'est sûr. Sinon, ils vont décrypter quoi, la réalité? Pas de danger. Pas de danger. Si, la journée qu'il décrypte la réalité, lui, le lendemain, il n'y a plus de job, là, c'est fini. Donc, vive les extraterrestres à Miami. On n'est pas pour se mettre à décrypter notre réalité. Ça ne tente pas, lui, de décrypter comment toute la corruption au Québec, par exemple. C'est aussi corrompu que le Mexique, ça, là. C'est juste moins violent. C'est tout, là. C'est aussi hypocrite. Même, je pense que c'est plus hypocrite encore. Il n'y a pas un journaliste mexicain qui dirait le Mexique, c'est pas corrompu. Tandis qu'ici, on a. Bon. C'est pas corrompu, le Québec, hein, en tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est quoi une extension de l'âme? Aucune idée. Aucune idée. C'est peut-être, il ramasse un bout de cordon d'argent de quelqu'un, puis là, il y a une esthéticienne qui fait des rallonges, là. Je ne sais pas du tout. Que penses-tu des portails dans certaines villes, souvent dans les rues, cul-de-sac, peu passant? Des portails. Moi, bon, il y a ça dans certaines cultures, les carrefours, là. Bon, c'est quoi les carrefours? Une ville, la façon qu'elle est dessinée, bon, ceux qui sont intéressés, un peu comme le feng shui, pas la mode pas psycho, là. Pas la mode pop ésotérique, là, je parle de circulation des courants, puis tout. Pourquoi les carrefours? Ça peut être intéressant, mais certaines villes, les portails, là, c'est d'autres choses, là. Mais on va dire que, bon, qu'on le veuille ou pas, il y a de la géomancie, il y a de la géomancie dans la façon dont les urbanistes dessinent les villes depuis très longtemps. Donc, qu'est-ce que je pense? Ça dépend. Les agriculteurs commencent à grogner fortement avec l'augmentation du gazole. Pour les agriculteurs, les écoles en Allemagne sont fêlées. Moi, ce qui se passe en Allemagne, avez-vous remarqué, il n'y a pas un mot nouvel au Canada. Ça n'existe pas. Mais c'est comme le convoi à Ottawa. Est-ce qu'en Allemagne, ça existait dans les médias? Ils ne devaient pas en parler. Ben, c'est pareil, là. C'est pareil. Mais c'est important ce qui se passe en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé en Hollande aussi avant? On ne nous en parle pas. Donc, bon. Bonjour, Denis, Solange, Jordan, Valérie, oui. Et en France, ils ont retourné tous les panneaux des villes pour marquer leur mécontentement, moi. Mais ça, déboulonner des affiches, les remettre à l'envers. Entre vous et moi, c'est. Comment je pourrais dire ça? On est dans de la compensation psychologique, c'est-à-dire que, ben c'est ça. Dans le fond, là, c'est un peu souvent, on va laisser le droit de manifester aux gens, hein, parce que ça sert de catharsis, ça sert de. Bon, en tout cas. OK, bon. Je vous laisse pour ce soir. Bonne année. Bon, ben, bonne année à vous. Qu'y a-t-il en Allemagne? Ben, il y a une petite révolte des agriculteurs. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a eu aux Pays-Bas. Donc, c'est un peu comme le convoi des camionneurs, mais c'est des tracteurs. Qu'y a-t-il? C'est ça. Les agriculteurs ont bloqué plein de routes. Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que de bloquer le système, c'est qui va payer au bout de l'année? En tout cas, c'est la révolte des paysans, moi. Les Allemands ont vendu leur haut fourneau à la Chine et leur technique de travail. Pas seulement, pas seulement. Prenez le Japon après la Deuxième Guerre mondiale, au niveau de l'automobile, l'industrie automobile. Cette technologie-là venait d'Allemagne. Le miracle japonais, S'il y a des ententes après la capitulation du Japon. C'est ça qui a permis le miracle économique japonais, qui n'est pas un miracle, c'est un piège. Les Japonais aujourd'hui, ils vont commencer à s'en rendre compte, c'est-à-dire ils sont pris, ils sont complètement pris, ils sont endettés au niveau démographique, la population, c'est comme tous les pays d'Occident, ils sont complètement pris, ils sont fait avoir comme il faut. C'est pour ça que le Japon va être dans une situation un peu comme un pays européen ou un pays de l'Occident tôt ou tard. Tôt ou tard. Là, sont là avec leur force d'autodéfense. Ça, c'est une des affaires qui était inacceptable, dans le sens que le Japon doit avoir une force nationale de défense. Il faut qu'il y ait une armée. C'est hypocrite, l'affaire des armées d'autodéfense. Il aurait fallu réarmer le Japon. Puis pas à peu près, là. Faut réarmer le Japon, plus sacré. En tout cas. Non, non, va falloir. Ça fait partie de leur identité nationale, c'est d'être martial. Donc, puis regardez, là, la tension monte avec la Corée du Nord, la Chine. Puis prenez, là, les chicaneries entre la Russie et le Japon par rapport à l'Ukraine. Traditionnellement, ces deux pays-là sont ennemis. La Première Guerre mondiale, les Russes se sont fait battre par les Japonais. Les Japonais s'étaient équipés d'une façon moderne, notamment avec des contacts avec les Français, les Américains. Bon, il y avait des bateaux à vapeur. Les Russes étaient encore avec des chevaux, des bateaux à voile. Bon. C'est ça. Mais le Japon, il aurait fallu commencer à réarmer le Japon il y a une trentaine d'années. Il est un peu tard, là. Mais bon, leur patente d'autodéfense, il reste, c'est les Américains. Les Japonais comptent sur les Américains pour se défendre. Comme la Corée du Sud, d'ailleurs. C'est une erreur. C'est une erreur. Les Chinois le savent. Attention. Attention. Le tunnel de Rabin à Brooklyn n'existe pas non plus au Québec. Ouais, ils ont trouvé ça en dessous de la synagogue, là. C'était pour aller à des bains rituels. Bon. Et, vous voyez comment ils se foutent de l'urbanisme, ils se foutent des règlements municipaux, on construit un tunnel. Mais c'est pas un vrai tunnel de complotistes, non, on serait pas au courant. Il serait pas dans les journaux. Ben, il y a du monde, bon. Comment je pourrais dire ça? Il faut être déconnecté. Je veux dire, ce qu'ils ont fait là, on l'aurait découvert tôt ou tard, le tunnel, parce qu'il y aurait eu des effondrements. Imaginez, là, ils passent une surfaceuse, un rouleau compresseur dans la rue. Le tunnel, tôt ou tard, se serait effondré, là, c'était pas fait. Il aurait fallu bétonner ça. Bon, il y a une façon de faire des tunnels. Mais en passant, il y en a un, c'est au Québec, je ne sais plus c'est dans quel coin, un locataire, il est en train de se faire un bunker dans son loyer. Le propriétaire est obligé de faire venir la police pour l'expulser, puis le bâtiment menaçait de s'écrouler. Les voisins, ça faisait des semaines qu'ils l'entendaient creuser, il y avait des brouettes de terre qui sortaient de son appartement. Ben, là, vous savez pourquoi? Ben là, l'anxiété monte. Puis quand l'anxiété monte, la crainte, ces affaires-là, ben l'être humain, il retrouve ses instincts animaliers, il veut se créer des petits terriers. Donc, Mike Zuckerberg est en train de se faire un bunker pour vivre la fin du monde dedans. Ça fait des millénaires qu'on a été prévenus sur ça. Il y a des écrits qui l'expliquent qu'avant la fin, il y a des gens très puissants qui vont se creuser des trous de rats, des terriers de lapins. Puis qu'est-ce qu'il dit qu'ils vont mourir dedans? Ça, j'en suis persuadé, c'est même pas de l'ordre de la croyance. Vous vivez comme des rats, vous allez crever comme des rats. C'est quoi cette race humaine-là qui creuse des terriers? Regardez là derrière les formes. Quelle sorte d'humain creuse des trous pour vivre dedans comme. En tout cas, les panneaux à l'envers pour dénoncer les suicides des paysans. Ben, prenez ce qui se passe en Inde depuis longtemps. Les paysans qui boivent leur Roundup là, pour se suicider. Tout le monde s'en fout, au fond. Déjà, quand j'étais enfant, il y avait une sorte de désolidarisation avec les agriculteurs, puis on les regardait de haut. On était conditionné à les regarder de haut. Puis aujourd'hui, on est insensible à leur souffrance, souvent. Plus souvent, on dit, oh, c'est tous des millionnaires. J'ai habité une ville où il y avait beaucoup de cultivateurs, puis c'est vrai que les cultivateurs, ils payent cash, puis bon. C'est vrai qu'ils sont millionnaires, une terre avec les bâtiments, puis je sais pas, moi, un troupeau de vaches, laitière, par exemple. Ça vaut très cher. Mais c'est pas de l'argent qu'ils ont là, là. C'est hein, des millionnaires qui sont obligés de s'arranger entre eux pour venir à bout de manger puis se rendre service. En tout cas. Hier soir, j'ai fait mon premier direct sur. Ah oui! Bon. Il faudrait que j'aille voir. Petit Angèle. Bonjour, que penses-tu de ce qui s'est passé au Yémen? Je ne vais pas regarder, mais vous savez, avec les dernières années, l'Arabie Saoudite, puis il se passe là des choses que on ne nous en parle pas parce que ben, l'Arabie Saoudite, c'est un allié, puis les outils, bah. Mais les Américains, ils ont intérêt à ce gars-là, puis à ce bon. Vous le savez, dans le fond, là. La guerre dans le ciel. Ah oui, ah ben de rien. Et Israël, oh Israël. Les troglodytes, moi, les troglodytes, ils élevaient même des bovins sous terre, les troglodytes. Mais ouais, mais c'est autre temps, autre mœurs. Qu'est-ce qui se passait à la surface de la Terre dans ces temps-là? Il y avait les restants de la guerre d'avant. Dans le sens que, bon, ça, c'est des choses qu'on peut se douter, on peut même pas vérifier. Mais les gens sont pas élevés sous terre pour rien. Il y avait quelque chose à la surface. En Pologne, le nouveau gouvernement pro-Union européenne a viré tous les fonctionnaires des médias du service public. Ils ont mis en prison l'ancienne ministre de la police. Moi, en Pologne, ça a tout été un peu fou à la Pologne. Est-ce qu'il est encore vivant, Lech Wałęsa? Bon, moi, j'aime bien les Polonais. J'aime bien les Polonais, comme les Roumains d'ailleurs. Pourquoi? Parce que quand il y a des dérives des dernières années, comme au Québec, par exemple, eux autres, ils le voient. Ils le voient. Pourquoi? Parce qu'ils ont un vécu par rapport à ça. Chez Monsanto, Bayer, ils ont une mentalité sectaire. Ils étudient les opinions de leurs salariés pour voir s'ils correspondent à leurs valeurs. C'est drôle à moi avoir des employés, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je m'en fous de ces valeurs, ça me regarde pas. Les salariés, l'important, c'est qu'ils remplissent bien leur feuille de tâche, qu'ils soient efficaces, puis ben, c'est ça. Là, on est rendu dans n'importe quoi, là. C'est un mélange entre du communisme et du fascisme. C'est n'importe quoi, ça. Faut que tes valeurs correspondent à l'entreprise. Hey! Non, non, c'est un contrat entre le salarié et son employeur, puis le contrat, c'est je fais mes tâches, puis tout, puis ce que je pense pas de tes affaires. Tant que ce n'est pas l'image de l'entreprise, mais bon. Mais ces compagnies-là, comme Monsanto, Bayer, mais bon, c'est-tu des compagnies au sens où on l'entend habituellement? Non, on est au niveau des mafias. C'est des mafias, puis plus puissantes que bien des gouvernements. C'est des mafias. Ah, j'ai eu une grosse journée hier de parler de mafias. J'ai une grosse journée. C'est pour ça que je fais ça plus tard aujourd'hui. Donc, bon. Les populations soutiennent les agriculteurs actuellement. Oui, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Regardez en Hollande. On recule un peu pour calmer les bons. Je travaille avec les cultivateurs du Québec. Il y a beaucoup de détresse et plusieurs se suicident. Personne n'entend parler. Ils veulent qu'on se suicide. Regardez, ils nous repassent encore Gaétan Giroir, là. Gaétan Giroir. Ils savent. Quand c'est arrivé, ça, Gaétan Giroir, il y a eu une vague de suicides au Québec. Qu'est-ce qu'ils font 20 ans plus tard? Ils nous le repassent. Ils le repassent. Au Québec, on est bien bon pour parler du suicide, mais on n'est pas bon pour l'éviter ou pour le prévenir réellement. On est bon pour en parler, mais en engendrer. Quand les cultivateurs ont des bris matériels, les coûts sont souvent à coût de 50 000, 500 000, moins. Enfin, ça dépend ce qu'ils brisent, là. Moi, ben, pourquoi? Ben là, il y a l'UPA, il y a une standardisation puis une industrialisation de l'agriculture, puis ça, c'est pensé par rapport à des institutions financières pour industrialiser l'agriculture. Les banques veulent, il y a un coup d'État par rapport à la finance, puis ils veulent le contrôle de la nourriture. Les cultivateurs sont considérés comme inutiles pour le futur, parce qu'ils veulent industrialiser puis mécaniser la production. Donc, il y a un processus lié à la finance pour l'élimination de plus en plus de ce qu'on appelle les fermes traditionnelles puis les cultivateurs traditionnels. Puis ça, ben, ça fait un bout que c'est commencé, ça fait un bout de temps que c'est commencé. Vous aviez, en France, il y avait les fonds, le fonds paysan, là, les cossins paysans, il y avait ça au Québec aussi. Alphonse Desjardins a créé la coopérative Desjardins. Le but, c'était pour aider des cultivateurs, financer des cultivateurs. Puis c'est devenu, ils ont complètement trahi leur mission, puis aujourd'hui, ils détruisent des cultivateurs, au fond. Puis c'est pareil, les fonds mutuels paysans qu'il y avait en France, ça a été infiltré, entre autres, dans les petites communes, les petits départements, les petites communes par la franc-maçonnerie. Puis ça a servi à endetter des cultivateurs plutôt que les financer finalement. Puis c'est pareil au Québec, puis c'est pareil aux États-Unis, puis c'est pareil partout. C'est pareil partout. Ils veulent industrialiser. Prenez la guerre en Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays qui était, au niveau de l'agriculture, c'est un peu le grenier à céréales de l'Europe. Au niveau des prises de pouvoir par le bancaire, si on peut dire, le financier, puis aussi au niveau de la géopolitique, puis tout, les institutions américaines ont intérêt à racheter toutes les terres arables voyons, c'est quoi ce pays-là, là? En Ukraine. En Ukraine. Pourquoi? Pour l'industrialiser le plus possible. Puis après, c'est au niveau financier, c'est eux autres qui vont avoir le contrôle sur tout ce qui est agroalimentaire. C'est un des derniers bastions. Tranquillement, ils prennent le pouvoir dessus. C'est la clé d'une nation indépendante, l'agriculture. Tout politicien qui vous dit le contraire est un traître et un menteur, ou un ignorant qui était conditionné à penser que ce n'est pas le cas. L'autonomie alimentaire, c'est une des premières choses qui fait d'une nation une nation. Ou au moins le pouvoir d'achat en tant que nation, au moins de pouvoir importer. Puis exporter aussi, dans le sens qu'il y a échange de services. Ça fait partie de la systémique. C'est-à-dire que au niveau de l'interrelation entre les nations, il faut qu'il y ait échange. C'est le commerce, bon. Sinon, il n'y a pas de nation. Puis ils veulent éliminer les nations. Pour ça, il faut éliminer les agriculteurs. Très important, c'est une des affaires les plus importantes de leur plan. Désolé, je le sais que mais c'est ça pareil. La finance veut prendre le contrôle de ce qui est alimentaire. La haute finance, là, je vous parle. Puis la haute finance, rendue à certains niveaux, c'est totalement luciférien. C'est totalement luciférien, puis c'est dans une... Il y a des gens à New York, par exemple, dans la haute finance, quand que la bourse ferme, puis tout, ils rentrent chez eux, ils se mettent un kippa, puis ils lisent le Zohar. C'est une mentalité kabbalistique. La haute finance est luciférienne, pas kabbalistique, pas liée à la Kabbale. Il y en a, il est rattaché au judaïsme, puis tout, mais c'est plus ancien encore. C'est lié aux Babyloniens. Bon, c'est une façon de voir la Kabbale. C'est une façon de systématiser puis de synthétiser les réalités de façon à. Ça revient de la magie, dans le fond. Si vous vous servez de vos connaissances au niveau du subtil pour influer sur le réel, c'est de la magie. C'est de la magie. Comment que ça se dit, Michel le magicien? C'est ça la magie. C'est écœurant. C'est dégueulasse. C'est pour ça que, en tant que particulier, le cultivateur, il va avoir intérêt à pas juste être un cultivateur comme on avait anciennement. Il va falloir qu'il comprenne comment ça marche, la finance. Dans le sens que faut que tu comprennes l'ennemi. Parce que lui, il comprend. C'est pas une affaire de morale ou quoi, là. Il va falloir intégrer du luciférien sans le polariser au sens d'un discernement. On n'a pas le choix, là. Mais les cultivateurs, souvent, c'est des gens assez simples. Pas dans le sens d'idiot, là, mais dans le sens que ces notions-là. En tout cas. Bon, j'étais où? Oui, il est question qu'elle est. OK. Monte à Davos la semaine prochaine, voir Schwab. Ben là, si vous allez la voir, vous allez le voir en rendre, ça arrive, ça. Là, vous allez le voir qu'il existe une armée internationale. Il n'y a plus de nation réellement, mais il y a encore des militaires. Puis c'est les militaires du mondialisme. Vous allez finir par vous en rendre compte. Vous allez voir les casques bleus, là. C'est quoi, dans le fond, les casques bleus? Ils vont muter en une force. En tout cas, oui, si le peuple considère les paysans comme leur armée, ils pourront renverser les gouvernements. Ça dépend, là. Mais même les armées ont besoin de manger. C'est pas pour rien qu'ils veulent le contrôle de... Au Québec, fiscalement parlant, c'est quasiment impossible de transférer les fermes aux enfants. Wow, ils font tout pour eux. Oh, je le sais, c'est pensé, ça, là. Ils veulent couper la chaîne. Ce qu'ils appellent couper la chaîne. Ça fait partie de la réingénierie, là. Comprenez? En France, les coopératives ont été rachetées par des groupes. Notamment des fonds, en tout cas. Que penses-tu de la mort du Doc Mayo? David Lévesque a fait un enregistrement. Faudrait que j'aille le voir. Il m'avait écrit, il m'a dit qu'il était décédé, mais je l'avais appris le matin. Je vais devoir cesser bientôt. Je sais que ça fait pas longtemps, là. Désolé. Si les agriculteurs avaient rejoint les Gilets jaunes au départ, cela aurait peut-être fait la différence. Je sais pas. Pas sûr. Je suis pas certain. Mais le fait est que, ouais, il y a une communautarisation qui est inutile. Dans le sens que, dès le début, tout, même les gens qui ne sont pas des prolétaires auraient pu voir que c'était dans leur intérêt d'appuyer ça. En tout cas, BlackRock et State Street, Vanguard possèdent tout. Tout petit à petit, le gère 21 000 milliards d'actifs. Leur tentacule se retrouve de toutes parts. C'est pour ça que je vous dis, il n'est pas trop tard pour étudier la finance. Les sciences de l'argent. Ce n'est pas une question de se faire corrompre et de participer à un système que vous désapprouvez. C'est une question de logique et de survie. Manipulez ce qui vous manipule. Manipulez ce qui vous manipule. C'est ça être créatif dans le sens que Il faut falloir un jour, c'est pas normal, là. Je veux dire, des fois je parle avec des gens, notamment des fois des gens instruits, là, des avocats, puis ils connaissent rien à la finance. Au Québec, Garda est devenu Garda World, ils sont noirs et rouges, la rumeur de leur lien avec les Antifa est de plus en plus réaliste. Dans un système fasciste, la gauche puis la droite sont fusionnées, dans le fond. Puis il va y avoir une corporatisation, dans le sens que c'est des contrats entre des... Il y a une fusion entre des corporations puis l'État. C'est le lobbyisme à l'extrême. Donc, c'est pas surprenant, ça, là. Puis garde là, les actions ont monté. À un moment donné, ils vont tomber. Vous verrez bien. En tout cas, pour moi, c'est ça. Donc, moi, je vais devoir y aller. Donc, bonne journée à tous. Je m'excuse, ça n'a pas été long. Donc, le Doc Mayo, tu as raison, au niveau financier, il va falloir s'adapter au changement qui sent moins. Juste comprendre la base. Ça a tellement bien servi leur agenda, moi. Mais au moins comprendre la base. Si vous êtes pour vous faire fourrer, au moins, avoir la capacité de le dire, tu sais. De le voir, de le comprendre, Hein? Tout le système des banques centrales doit être démantelé et tous les pays doivent reprendre le contrôle. Le vrai pouvoir régalien. Je suis d'accord, merci. Ben, merci à vous. Ben, bonne journée à tous. Bon, désolé, moi, il faut vraiment que je quitte. Au revoir.